Chapitre 2. On était au mois de juin, et la brise légère était parfumée de l'odeur des premiers lilas. Le soleil était à son déclin, Conaille Brunet creva ce soir-là de Matignon, où il était allé prendre du poisson. Elle était bien changée, la petite pêcheuse de crabes que nous avons entrevue au chapitre précédent. L'enfant était devenu une des plus jolies filles de ce coin de la langue bretonne. Dans la pleine floraison de ses 18 printemps, elle était charmante et ses formes harmonieuses laissaient deviner la future splendeur de la femme. Elle venait de quitter Plévenon, quand un pas d'homme lui fit tourner la tête. À 100 mètres derrière elle, une grande ombre se mouvait. Dans le demi-jour du crépuscule et malgré la distance, elle reconnut Erbohan, le fils de Pierre Guillot. Elle s'arrêta et l'attendit. Dès qu'il fut assez rapproché pour pouvoir l'entendre, elle lui cria. « C'est vous, Erbohan ? Rentrez-vous à Saint-Géran ?»« Oui, » répondit le gars, qui se mit à courir pour la rejoindre plus vite, et quand il fut près d'elle. « Je viens de chez Mersac, le facteur de Plévenon, qui nous achète tout notre poisson pour l'expédier aux Halles. Le père voulait y aller lui-même, à cause d'un vieux compte à régler, mais je savais vous rencontrer au retour, et j'ai obtenu qu'il m'envoyât à sa place. « C'est bien gentil à vous, » répondit Anaïque en rougissant. « La journée a été rude pour moi. J'ai dû faire bien des pas pour vider ma hotte, et la route me semble joliment longue ce soir. Sale métier que vous faites là, ma pauvre Anaïque. Bon, il faut bien gagner sa vie. » Et la jeune fille avec une joyeuse insouciance. Ils se turent quelques instants. À la dérobée, Erbohan examinait sa compagne, et une fierté mâle de se savoir aimer de la belle lui montait au cerveau. « Y a-t-il longtemps que vous avez vu mon frère ? » demanda-t-il soudain, en hésitant fort. La jeune fille posa ses grands yeux profonds sur ceux du pêcheur. « Je l'ai vu ce matin, avant de partir pour Matignon. Ah ! » Un nuage de tristesse passa sur le front d'Erbohan, pendant qu'il regardait vaguement au loin, dans la direction du cap Fréhel, dont on apercevait par moments les feux électriques du phare. « Que vous a-t-il dit ? » reprit-il d'une voix très basse et comme honteux de son insistance. « Il me dit qu'il m'aimait et voulait m'épouser. Qu'il ne tenait qu'à moi d'être heureuse et d'avoir une famille. Ah » fit-il encore. Du coin de l'œil, Anaïque vit l'air sombre du jeune homme et un sourire espiègle plissa ses lèvres. « Ce que je lui ai répondu ne vous inquiète donc pas, Erbohan ? J'ai peur de savoir, » murmura-t-il sourdement. « Vous mériteriez que je ne vous le dise pas pour vous punir d'avoir douté de moi. » continua-t-elle, mutine. En même temps, elle rajustait sur ses grands cheveux sa coiffe qu'un coup de vent venait de déranger. « Eh bien, » reprit-elle, « je lui ai répondu que j'étais très flattée de sa recherche, que dans une autre occasion j'aurais été heureuse de lui faire plaisir, mais que j'en aimais un autre. Là, vous êtes content, vilain jaloux ? Qu'a dit mon frère à votre déclaration ? Interrogea brusquement Erbohan, dont le visage était devenu tout blanc. « Dame, il n'avait pas l'air content. Le malheureux. » « Je ne pouvais pourtant pas lui répondre autrement, » fit la jeune fille, surprise de l'exclamation de son compagnon. « Je ne puis épouser deux hommes à la fois. Et si vous m'aimez, vous savez bien que je vous le rends. À Noël dernier, nous avons échangé nos cierges, et les loups ont aboyé pour nous à Saint-Hubert-de-la-Latte. L'avez-vous oublié ?» Erbohan enveloppa la jeune fille d'un chaud regard, qui protestait énergiquement contre ses dernières paroles. « Non, Anaïque, je n'ai rien oublié, et j'ai toujours foi en vous. Seulement, mon frère est bien à plaindre. Il va terriblement souffrir. Pourquoi ne lui avez-vous pas avoué plus tôt notre amour ? Le mal eût été moins grand. Je ne crois pas. Il y a déjà longtemps qu'il pense à vous. Il est si fougueux que je redoute de lui annoncer nos accordailles. » Elle redressa fièrement la tête et répondit. « Je ne lui ai jamais donné lieu d'espérer quoi que ce soit, pourtant. Votre frère est un exalté et un sournois. Il en est très bon. » dit doucement Erbohan. « Oui, il est bon, et je n'oublie pas qu'après vous, je lui dois la vie. Mais c'est un être à part, sauvage même. Il me fait peur, tant par moments, son regard devient dur, et je frissonne, comme si dans la fixité troublante de ses prunelles, il y avait une menace. » Le jeune pêcheur poussa un profond soupir. « C'est un bien grand malheur pour lui et pour moi, que nous aimions tous deux la même femme. » Anaïque le regarda, se demandant quel mauvais pressentiment cachait ses paroles. « Vous avez peur, Erbohan. Votre frère vous a menacé. Vous savez quelque chose que vous ne me dites pas ?» Il secoua la tête. « Non, je ne sais rien. Je ne fais que des suppositions. Yann ne m'a pas parlé de vous, mais je le vois, je l'examine. Depuis quelque temps, il me fuit, et quand ses yeux se posent sur moi, Je suis frappé comme vous de l'éclair fauve qui brille, et j'ai peur. J'ai peur pour vous, peur pour nos parents, qui seront les premiers atteints par cette étrange rivalité. » Il se tut un moment, puis reprit tout bas. « C'est pourquoi il nous faut garder le silence. Attendons. J'espère beaucoup du temps pour guérir mon frère. Yann est un homme. À quoi bon temps de ménagement ?» La voix d'Anaïk avait un frémissement de révolte, mais très doux et très calme. Erwan imposa sa volonté à la jeune fille. « Il le faut, mon ami. Vous l'avez dit tout à l'heure. Yann est un être à part. Nous ne pouvons le traiter comme un autre. Oubliez-vous d'ailleurs le double lien qui nous unit, lui et moi, lien de frère et lien de besson. Et la singularité de notre naissance, cette tradition qui veut que deux frères Guillot ne puissent vivre sans que malheur n'arrive sur la maison qui les vit naître. Tout cela m'arrête et m'oblige à ces précautions qui vous étonnent. » Et comme il voyait une ombre de tristesse sur le visage d'Anaïk, il ajouta, plus gai, « Tout ce que je vous dis là n'est guère amusant, petit ami. Parlons d'autre chose. C'est absurde de se forger des brouillards mal à propos. La vie est belle quand on la regarde par le bon côté. Mieux vaut donc en tirer le plus possible d'éléments de bonheur. Causons de nous, voulez-vous? Ce sera beaucoup plus amusant. » En disant ces mots, il passa son bras sous celui d'Anaïk. La conversation de deux amoureux consiste souvent à ne rien dire. On se regarde, les yeux irradiés d'amour, on se sourit et se comprend, on se presse fortement les mains, et presque toujours, on n'échange pas 10 paroles. Il en fut de même entre nos deux amis ce soir-là, et quand ils s'arrêtèrent à la porte de la chaumière qu'Anaïk habitait, ils n'avaient pas encore ouvert la bouche. C'est alors, au moment de se quitter, qu'ils se souvinrent d'avoir beaucoup de choses à se dire, et tous deux, la main de la main, perdus dans la nuit noire qui les enveloppait de son ombre, causèrent longuement.